Yeah, DAM 2011 mise au point. Yeah, les confidences, deuxième chapitre. Je sais que tu pleures, mais s'il te plaît, sèche-moi tes larmes. La vie nous écœure, on a choisi de sortir les armes. On fait du mal à nos parents, on fait du mal même à nous-mêmes. Ça devient effrayant, pourquoi les jeunes ont tant de haine? Aujourd'hui avec un bac, t'es même pas sûr de te nourrir. La vie est un cul-de-sac, comment trouver ce putain de sourire? La justice n'est pas égale, pourtant ça devrait l'être. La drogue n'est pas légale, mais beaucoup se niquent avec. D'apparence je suis moqueur, pourtant je jure que je suis sain. Je voulais percer dans le soccer et je me retrouve dans un ravin. Pour tes parents reçois les coups, car pour toi ils le feraient. Tous les jours j'espère des sous qui au final disparaissent. J'aimerais tant me libérer, que mes écrits se fassent connaître. Depuis petit j'ai espéré, je me suis bien trop pris la tête. Je noie tous mes soucis à travers des fleuves d'écrits. Malgré tout ça je reste lucide, car je ne veux pas devenir aigri. Je passe mes soirées à chanter, car mon projet doit être parfait. Mais tu sais faut pas rêver, seuls les riches peuvent y arriver. Je pars de gloire un peu partout, car mon rêve serait d'être connu. On me prend même pour un fou quand je raconte mon vécu. Y'a que ma plume qui me comprend, car elle seule connaît mes peines. Avec vous je suis toujours franc, mes sons ne sont pas des scènes. J'ai peur de rien ni de personne, j'ai seulement peur de ma personne. J'ai le diable scotché au phone, il essaye de me foutre en rogne. Mon mal-être tu le connais pas, tu peux rêver pour le savoir. Même riche je resterai en bas, je reste humble dans la victoire. Entre périr et pourrir, y'a beaucoup de différences. Je rapperai jusqu'à mourir, car pour moi c'est une vraie chance. J'ai plus de ressources pour avancer, alors je reste collé au point mort. J'ai pas la chance d'avoir dansé pour les filles, ça devient. Tu vas entendre la guitare qui fera pleurer, putain connard. Ma rage sort du placard, car au fond j'en ai trop marre. On rêve d'un horizon sans brouillard. On a peur de la prison, bien trop tard. On avance même que crevé, rêve brisé. On avance même crevé, même flingué. On veut la vie de riche, on veut la vie d'alloca. Alors souvent oui on triche, quitte à finir dans un local. Et poteau tu connais ça, on veut juste faire de l'argent sale, quitte à finir ouais très très mal. On cherche le cri de l'ange et on trouve celui du diable. On entend des bruits étranges à cause d'alcool bu sur la table. On veut pas que nos parents pleurent, mais on fait tout pour qu'ils le fassent. On recherche une petite lueur, mais le temps lui il efface. On a peur de l'avenir, mais l'école on connaît pas. On a peur de connaître le pire, mais on est fiers de notre acquis. On se méfie de leurs promesses, mais on écoute ceux qui nous disent. Ils veulent sortir de la tête, mais le manque d'argent leur interdise.